Double X on the track. C'est l'histoire d'un chanteur qui faisait pleurer les filles. Il avait jamais peur d'être un stéréotype. Il a fendu des cœurs à la guitare électrique. Il a chanté dans le noir, dans la nuit, la douleur, la folie. Que tu m'as quitté, je ne crois plus à l'amour. J'ai rien vu, rien entendu. J'étais noyé dans tes yeux. Et il l'a trompé pour Bercy. Elle pleurait sur le berceau. Il est tombé dans les roses. Sous sa tombe, il voulait des fleurs et des roses. Un jour, il a dû abandonner. De toute façon, tout le monde l'a abandonné. Et quand il pleut dans la rue, il sait plus où aller. Tout ce qu'il a fait, c'est toute seule mélodie. Et j'ai couru, couru, je n'ai pas vu le jour. Depuis que tu m'as quitté, je ne crois plus à l'amour. J'ai rien vu, rien entendu. J'étais noyé dans tes yeux. Il arrive plus à sourire. Il arrive plus à souffrir. Il avait vu la porte s'ouvrir. Et maintenant elle est fermée. Tout seul en haut de la montagne. Le soir il regarde les collines. Et quand il repense à sa vie, y a toujours cette mélodie.